Il n'apprécie pas votre blague, vous traite de tous les noms. Laissez-vous lui envoyer un coup de pied dans les roustons. Il se retrouve à l'hôpital avec les couilles plâtrées. Du coup, la fin de votre histoire diffère des contes de fées. Vous encadrez cette phrase, hommage à l'accident. Ils se marièrent et ne purent pas avoir d'enfants. Voilà, c'est fini. Une chanson bonus t'attend en plage 36. C'est mon premier enregistrement.